Au sport. Le 4 février, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent est à l'aréna Jean Béliveau à Victoriaville pour affronter Tandem Le Boisé à 16h30.